Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté des entreprises importantes dans les districts de Pukchon et de Dokchon. En faisant le tour des entreprises comme le complexe thermoélectrique de Pukchon, la mine de charbon de Dokchon du complexe houillé du district de Dokchon et le complexe d'automobiles Songni, il s'est enquis en détail de l'état de production et des travaux d'agrandissement de la capacité des entreprises. En réunion consultative des cadres intéressés tenus sur place, on a discuté des mesures pour augmenter la production de l'électricité et du charbon et la fabrication en série des nouveaux camions. Précédemment, il a visité la fabrique de cosmétiques de Pyongyang pour s'informer de l'état de sa modernisation et souligner d'accélérer la construction.